Thank you. Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Thank you. fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini.